À l'occasion du 25e anniversaire de la publication de l'historique déclaration de Pyongyang sur la défense et la progression de la cause du socialisme, l'Agence télégraphique centrale de Corée a publié le 19 courant l'éditorial « La victoire du socialisme du Chuché et la vérité de l'histoire ».